Bonjour à tous et à toutes. C'est Michel, donc, pour La Parole est à vous, sur RGM. Alors, en sachant que ce soir, je suis isolé, je suis un peu orphelin, ma co-animatrice n'est pas là, et je vais vous offrir un dossier consommateur, avec consommant durable. Il s'agit aussi d'une fin de mois et la fin de mois est consacrée en principe à un dossier consommateur. Alors, dans la rubrique consommant durable, arriverai-je à le dire, on va parler des équipements électroniques avec un dossier de que choisir. Parce que je remarque une chose, c'est qu'on nous dit souvent, l'informatique, ça fait pas beau, ça fait moins de déchets, on utilise moins de papier, etc., etc. On m'a même dit, il vaut mieux scanariser des documents que par exemple, de faire des photocopies. Alors, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, nos équipements électroniques polluent la planète et épuisent ses ressources. Il alimente un trafic de déchets illégalement exportés vers l'Afrique et l'Asie. Stop ! En réfléchissant mieux à nos achats, en nous souciant de leur impact et en nous impliquant dans leur recyclage, nous pouvons agir. C'est ce que dit Que Choisir, l'Union fédérale des consommateurs. Un email est-il plus écologique qu'un bon vieux courrier ? Une facture électronique plus respectueuse de l'environnement qu'un papier sous pli ? Le stockage dans le cloud, le nuage, de nos documents dématérialisés et les mises à jour, OTA, de nos appareils pour OR, c'est-à-dire par Internet, sans connexion, filaire, sont-ils si mystérieusement impalpables? Non et non. Contrairement à ce que suggère leur image et le champ lexical qui leur est associé, les TIC, technologies de l'information et de la communication, sont tout sauf immatériels. Les continents sont connectés par Internet grâce aux centaines de câbles, 428 au total, soit 1,3 million de kilomètres qui maillent le fond des océans et aux satellites qui gravitent à 2000 km au-dessus de nos têtes. Voilà donc pour les infrastructures qui sont véritablement, les supports qui sont véritablement indispensables. Sur Terre, les antennes relais des opérateurs mobiles complètent ce réseau planétaire. Plus de 800 millions de box physiquement reliées au réseau des fournisseurs d'accès Internet apportent le web jusque dans nos salons. Chaque email que nous envoyons parcourt des infrastructures bien réelles, de notre ordinateur au serveur de messagerie, Gmail, Yahoo, etc. Puis vers la boîte de réception du destinataire. Toutes ces informations transitent par des data centers, gigantesques parcs de serveurs informatiques répartis partout sur la planète. Ces centres de données, dont il est extrêmement difficile d'évaluer le nombre en France, 200, principalement localisés en Île-de-France, seraient la fourchette basse. Tous ces centres, donc, ont besoin d'électricité pour fonctionner et refroidir les machines. Réseau data, center, équipement des utilisateurs. Au total, les TIG consommeraient 8% de la production mondiale d'électricité. C'est d'après Eco Info 2014. Voilà, nous sommes en 2018, je ne pense pas que cette consommation ait diminué, et loin s'en faut. Et puis, il y a 23 équipements multimédia par foyer. Avides d'électricité, les TIG sont également gourmandes en ressources naturelles. Il n'existe quasiment aucun bien manufacturé par l'homme dont l'impact soit aussi élevé que celui des équipements électroniques, tant en termes d'épuisement de ressources que d'impact environnementaux. Il faut par exemple 32 kg de ressources naturelles pour fabriquer une puce électronique de 2 grammes, soit 16 000 fois son poids. C'est ce que dit Frédéric Bordage, fondateur du Green ITFR. La fabrication d'un seul ordinateur exige 375 g de silice, 345 g de plastique, 300 g de fer, 225 g de cuivre, plomb et zinc et 210 g d'aluminium. Enfin, 45 g de nickel, mercure, sélénium, argent, manganèse, cobalt, or, cadmium et arsenic complètent la recette. En France, chaque foyer possède en moyenne 23 équipements audio, vidéo, photo, informatique et de téléphonie. Alors la source pour parler de ces 23 en moyenne, c'est l'Ipsos 2016. L'effet de mode et la démocratisation d'équipements comme les enregistreurs, DVD, les barres de son, les souris et les casques qui bénéficient du jeu vidéo et du e-sport, des drones, des enceintes portables, des objets connectés ont fait monter en puissance les achats des petits équipements. C'est ce que constate l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans sa dernière synthèse annuelle sur les équipements électriques et électroniques. Smartphones, ordinateurs et autres objets connectés sont entrés dans notre quotidien. Cette tendance laisse présager de grands combats consuméristes liés notamment aux données personnelles collectées par tous ces objets. Parce que bien sûr, quand on parlait tout à l'heure scannériser des documents, c'est gentil, mais on ne les met pas dans un coffre-fort, on les met dans le cerveau de l'ordinateur et ces documents pourraient être accessibles à des personnes mal intentionnées. À peine 4% des appareils collectés sont réutilisés. Là, on arrive vraiment à une collecte extrêmement basse par rapport à tout ce qui est sur le marché. Chacun peut toutefois agir à son niveau pour limiter son impact. Car oui, on peut être économe et respecter l'environnement. Oui, il est possible de profiter des nouvelles technologies sans courir après les nouveautés. Consommer durable est encore un acte militant dans le sens où il exige des efforts de la part des consommateurs. C'est ce qu'admet Frédéric Bordage. La démarche consiste à mieux réfléchir à ses besoins et donc à ses achats. Elle revient à adopter quelques bons réflexes et à réduire sa consommation électrique. Il y a des conseils simples à mettre en œuvre avant l'achat, pendant l'usage et bien sûr une fois votre appareil hors d'usage. Le réemploi et le recyclage restent largement sous-dimensionnés. Le smartphone fait figure d'exemple. Depuis quelques années, le marché de l'occasion a explosé. Grâce à plusieurs acteurs comme Remad in France ou encore Recommerce Solutions, ce modèle vertueux du réemploi n'est hélas pas en marche pour les autres équipements informatiques, télécoms et autres matériels grand public, écrans, moniteurs, appareils photo. D'après l'ADEME, seuls 4% des appareils collectés par les éco-organismes qui organisent la filière recyclage sont réutilisés. Pourtant, de tous les types de traitement des déchets, recyclage de la matière, valorisation énergétique, etc., le réemploi est, selon la réglementation, la priorité absolue. Il y a des directives 2008-98 de la CE. Nous fonctionnons dans une logique de déchets, pas de réemploi. Nous réutilisons les matériaux plus que l'appareil. C'est ce que commande Guillaume Duparé, directeur de la collecte des écosystèmes. Mais la filière a-t-elle intérêt à alimenter le marché de l'occasion, sachant que les éco-organismes sont pilotés par les fabricants de produits neufs? La boucle est bouclée, ça veut bien dire que, de toute façon, les fabricants n'ont aucun intérêt à recycler leurs produits. Autre explication au faible taux de réemploi, la majorité des EEE, les 3E, équipements électriques, électroniques ou 3E, remis en état ne sont pas comptabilisés, car les éco-organismes n'en voient même pas la couleur. Les entreprises qui disposent d'importants parcs d'ordinateurs, d'imprimantes et de smartphones pour leurs salariés, mais aussi d'infrastructures plus imposantes comme des serveurs informatiques, ces entreprises ne s'adressent pas directement à eux. Les DSI, directeurs des systèmes d'information, il faut connaître les abréviations, il y en a beaucoup, sont sans cesse démarchés par des courtiers spécialisés qui se présentent comme des entreprises de recyclage agréées par l'État. Ce qui est rarement le cas en réalité, c'est ce qu'explique Guillaume Duparey. L'administration n'a malheureusement pas les moyens de contrôler ces flux. Donc on est dans une anarchie totale quant au recyclage des produits. 60 à 90% des déchets sont donc dans l'illégalité. Cela donne d'ailleurs lieu à un important trafic international de déchets, d'équipements électriques et électroniques. Les transferts transfrontaliers de déchets font eux aussi l'objet d'une réglementation stricte, convention de Bâle et règlement. C'est la communauté européenne, c'est donc une directive 1013-2006 du 14 juin 2006. Notamment, qui en substance interdit de se débarrasser de déchets dans des pays qui ne disposent pas des infrastructures pour les recycler. Mais en 2015, une étude de l'UNEP, Programme pour l'environnement des Nations Unies, estimait que 60 à 90% des déchets électroniques étaient revendus ou jetés illégalement. En 2012, 240 tonnes de D3E, ce sera plus simple à dire, avaient été saisies par Interpol. Ces conteneurs remplis en vrac de gros électroménagers, de TV plus ou moins récentes, de téléphones, de petits composés électroniques et d'appareils éclatés, ne sont pas les plus fréquents. Les douanes françaises sont nettement plus préoccupées par les moteurs non dépollués, les batteries et les pneus usagés provenant de l'industrie automobile. Un chantier autrement plus vaste côté environnemental. Voilà, alors, on peut dire qu'il y a eu une opacité entretenue par les fabricants à la composition des téléphones. Dans un rapport d'information de 2016, le Sénat déplore l'opacité générale autour de la composition des smartphones. Impossible d'obtenir de la part des fabricants des informations précises sur la liste des matériaux entrant dans la composition d'un téléphone type et sur leur proportion générale. C'est ce qu'indique le document donc, du Sénat. Cette rétention d'informations nuit à la gestion des déchets électroniques, en particulier à leur traitement et à leur valorisation au recyclage. Alors d'abord les écrans. Plusieurs couches comprennent de l'indium, des connexions dorées, des cristaux liquides et des luminophores à base de terres rares. Quand on sait ces fameuses terres rares, ces métaux rares, on en a besoin. On en a besoin, on en aura de plus en plus besoin si on développe à l'infini, l'automobile électrique. La carte électronique, métaux de base précieux et rares. Des terres rares, des matières plastiques contenant souvent du trioxyde d'antimoine, du bisphénol A et des retardateurs de flamme bromés et des fibres de verre pour le support en résine époxy. Et puis, il y a la batterie lithium-ion, comprend du lithium, du cobalt, des connexions en or et un électrolyte, fluoré. Bon, c'est quand même pas non plus des composants qui sont totalement neutres pour l'environnement, et loin s'en faut. La coque, matière plastique comprenant souvent des retardateurs de flamme bromés. Voilà, alors, bilan, que choisir ? On fait un bilan des matières des téléphones portables. Plastique non bromé, c'est la majorité, 28,9%. Les batteries représentent 28,2% du poids total, de la contenance totale. Les cartes électroniques, 19,1%. Les métaux ferreux, 8,5%. Les plastiques bromés, 5,1%. Les déchets banals, caoutchouc, 3,7. Les métaux non ferreux, 2,3. Le verre, 1,9 seulement. Les aimants, 1,7, les câbles 0,5 et les lampes 0,2. Voilà donc tous ces composants de smartphone en particulier. On cite téléphone portable en général. Hein, c'est pas tous des smartphones. Il y a d'autres produits. Ben voilà, on va peut-être s'accorder quand même une pause musicale avant de poursuivre cette émission. Donc, qui est consacré, comme je le disais à l'instant, à consommation durable dans les équipements électroniques. Alors, la deuxième partie, au moins, de ce dossier, c'est, d'après un dossier de Que Choisir, les conseils pour réduire l'impact environnemental si on achète, bien sûr, ces produits. Voilà, on s'accorde une pause. Je suis allé jouer chez mon père. Il m'a dit de pas faire le mariole. Moi j'ai fouillé dans ses affaires. J'ai trouvé cette boussole, un peu rouillée, pleine de poussière. Elle a peut-être fait la guerre. J'ai appelé quelques copains pour qu'on se batte comme à Verdun. Chacun de nous a choisi son camp. Moi j'étais contre les Allemands. Et la bagarre a commencé. Je crois qu'on va bien se marrer. J'ai perdu le nord de ma boussole, tandis que l'ennemi carriole. Je cherche ma route dans les étoiles pour voir où je vais mettre les voiles. C'est pas facile de se repérer avec une boussole cassée. De toute façon, je sais même pas comment on sert un truc comme ça. Fatigué de toutes ces prouesses, elle confond le nord avec l'ouest. C'est peut-être pour ça que mon grand-père est un petit peu tête en l'air. Quand il a vu que je jouais avec, il a fait une drôle de tête. Autoritaire, la pipe au bec. Je crois que ça va être ma fête. J'ai perdu le nord de ma boussole, tandis que l'ennemi cabriole. Je cherche ma route dans les étoiles pour voir où je vais mettre les voiles. C'est pas facile de se repérer avec une boussole cassée. De toute façon, je sais même pas comment on sert un truc comme ça. Il m'a dit de venir le voir. Il voulait me dire une histoire. Cette boussole pendant la guerre lui indiquait le cœur de grand-mère. Le jour où l'aiguille s'est bloquée, grand-père a un peu disjoncté. Il savait bien qu'à son retour, il aurait perdu son amour. J'ai perdu le nord de ma boussole, tandis que l'ennemi cabriole. Je cherche ma route dans les étoiles pour voir où je vais mettre les voiles. C'est pas facile de se repérer alors qu'on a le cœur brisé. De toute façon, je me souviens pas comment on sert un truc comme ça. Et bien voilà, nous retrouvons sur RGM, la parole est à vous, donc la parole est aux unions de consommateurs, et en particulier avec un dossier de Que Choisir, qui concerne bien entendu consommation durable pour les équipements électroniques. Alors, Que Choisir ne s'imite pas, bien sûr, à dénoncer cette consommation, cette frénésie de consommation vers les appareils informatiques, électroniques, électriques. Donne aussi des conseils pour réduire l'impact environnemental, en sachant que, comme on le dit à l'instant, que c'est une faible quantité des produits qui sont recyclés, c'est-à-dire 4% seulement des appareils collectés sont réutilisés. Alors comment réduire l'impact environnemental? Avant d'acheter, il faut mieux réfléchir à ses usages, à ses besoins. Smartphone, tablettes tactiles et ordinateurs sont composés de nombreux matériaux à l'origine de conflits désastreux au plan humain et environnemental. En réfléchissant mieux aux appareils dont il a réellement besoin, le consommateur peut réduire ses achats et influencer les fabricants. Alors, il faut évaluer ses besoins, bien sûr. Avant d'acheter, évaluez vos besoins au plus juste de manière à ne pas vous suréquiper. Mais à ne pas vous sous-équiper non plus. Auquel cas, les limites de l'appareil vous obligeront vite à en changer. Cette démarche contraint à passer du temps à s'informer, puissance du processeur, adapté à vos usages par exemple, mais permet de faire des choix raisonnables. Sachez par ailleurs que plusieurs labels, publics ou privés, soulignent les produits plus écologiques que la moyenne. On retrouve Ecolabel, bien sûr, TCO, et puis Energy Star. Donc c'est des labels qui permettent quand même de s'orienter sur des appareils qui sont moins dangereux au plan environnemental et moins gourmands en énergie. Tout au long de leur cycle de vie, vous trouverez ainsi l'écolabel européen sur les téléviseurs et d'autres produits de la vie courante. Logo Energy Star sur des ordinateurs, des écrans, des scanners, des imprimantes. La certification TCO, décernée par l'entreprise suédoise TCO, Development, est également associée à des produits ICTECH. Ah, je ne sais jamais. Il faut regarder la disponibilité des pièces détachées. Depuis 2015, les distributeurs doivent afficher la durée de disponibilité des pièces détachées, bien qu'elles aient du mal à s'installer dans les rayons. Cette mesure va dans le bon sens pour lutter contre l'obsolescence programmée. Cherchez l'info, mais sachez que vous ne la trouverez jamais pour les batteries de smartphones, qui ne sont hélas plus amovibles sur la plupart des modèles. On peut acheter d'occasion. Vous cherchez un smartphone, un ordinateur, une tablette ou même un casque audio, pensez à l'occasion. Un récent sondage réalisé par Que Choisir révèle que près de 40% d'entre les consommateurs pourraient passer à l'occasion pour leur prochain smartphone. Entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, Emmaüs, Envie, etc., les sites d'annonces entre particuliers, où il faut toutefois se montrer prudent, et les professionnels du reconditionnement, l'offre s'enrichit aujourd'hui. À titre d'exemple, nous avons déniché, dit Que Choisir, sur la boutique des ateliers du bocage, l'e-shop d'Emmaüs. Un iPhone 45-16 Geo à 85 euros. Un Huawei Honor 5 à 139 euros. Ou un PC Lenovo ThinkPad OS. Ça, les références, c'est vraiment le casse-tête, parce que tout, bien sûr, est en franglais, ou en anglais, tout simplement. De 320 Go de stockage à 335 euros. Le marché de la location des produits électroniques ou multimédia se développe également. Alors, bien sûr, il est indiqué aux consommateurs de soutenir les biens durables. À contre-courant de l'obsolescence programmée, plusieurs initiatives voient le jour autour des biens durables. Après des années de fantasmes autour du smartphone modulaire, seule l'aventure Fairphone se poursuit. Google, LG et les autres ont abandonné leur projet. Ce smartphone n'est ni plus beau ni plus perfectionné, mais il est composé de matériaux propres. La chaîne d'approvisionnement est contrôlée, autant que faire se peut, jusqu'à l'extraction de matière. Et conçu pour durer, il avait obtenu en outre des résultats corrects lors de nos tests laboratoires. D'autres produits sont dans les cartons. Ainsi, Impro, ou Impro, comme on veut, comme on le prononce, une imprimante démontable. On trouve d'ailleurs une photo d'un Que choisir, écologique et réparable. Ça existe. Imaginé par Paul Morin, un jeune entrepreneur, est équipé de réservoirs d'encre rechargeables. Parce que qu'est-ce qui coûte cher finalement dans les imprimantes? C'est surtout les cartouches d'encre, n'est-ce pas? Son idée à ce monsieur Paul Morin, réduire les déchets générés par les 190 millions de cartouches d'encre consommées chaque année en Europe. J'ai bien que certaines sont rechargeables, hein, ces cartouches d'encre, certaines les recyclent, mais combien, on ne sait pas trop. Voilà. Le Fairphone 2 est modulaire. En cas de panne ou de casse, il est possible de changer facilement le micro pour 25 euros, l'appareil photo 45 euros, le châssis central 11,85 euros ou encore la batterie 20 euros. Il faut éveiller les consciences des consommateurs, des fabricants, des designers et des distributeurs pour encourager et réduire les déchets. Wiman, de l'artiste britannique Paul Beaumini, c'est bien ça, Beaumini, des souris d'ordinateur en guise de dents, des antennes paraboliques pour les yeux et des moniteurs d'ordinateur pour cerveau. Cette structure de 3,3 tonnes et 7 mètres de haut est entièrement constituée de déchets d'équipements électriques et électroniques. Elle représente la quantité moyenne d'équipements électroniques que chacun jette au cours de sa vie. Vous trouverez une photo sur le site de Que choisir, donc de ce fameux Wiman. Enfin, on peut dire oui, mais en réalité, comme il y a 3 E, c'est plutôt W et équipements électroniques, etc. Voilà. Alors, on continue un petit peu par rapport à l'usage. Il y a des efforts à faire pour les consommateurs pour limiter justement la nocivité de tous ces équipements, de tous ces déchets, tous ces équipements qui produisent des déchets. De petits gestes réduisent la consommation électrique et les transferts de fichiers énergivores. Il ne s'agit pas de se priver du cloud ou du streaming, mais de prendre conscience qu'ils ont un impact. Éteignez l'ordinateur. Si vous ne comptez pas utiliser votre ordinateur dans les 2 ou 3 heures qui suivent, éteignez-le. L'énergie nécessaire pour le rallumer est négligeable par rapport à sa consommation en veille. Si vous utilisez un PC de bureau, éteignez aussi l'écran qui représente à lui seul 20% de la consommation électrique. Il faut le savoir. C'est normal, puisque là, il y a des lampes. Éteignez votre box et son boîtier TV. Ça, c'est déjà un peu plus difficile. Allumez 24 heures sur 24, une box ADSL et le boîtier TV associé consomment de 150 à 300 kW par an. Soit, selon Green TFR, la consommation annuelle de 5 à 10 ordinateurs portables. De 5 à 10 ordinateurs portables, 15 pouces, utilisés 8 heures par jour. En désactivant le Wi-Fi, vous réduisez la consommation de 20% en moyenne, et en éteignant la box le soir, vous économisez facilement 65 à 130 kWh, soit 8 à 16 euros par an. Ça paraît négligeable, mais c'est vrai que ça vaut la peine d'avoir ce réflexe. Limitez le cloud. Les services de cloud qui permettent de stocker email, photos, musique sur Internet supposent à chaque consultation des transferts de données entre des serveurs et nos appareils. Transporter une donnée sur Internet consommerait 2 fois plus d'énergie que de la stocker pendant 1 an. Favorisez le stockage local. Cela s'applique aussi aux services de streaming musical, dont le mode hors connexion permet de télécharger les contenus sur son smartphone ou son ordinateur. Alors en TV, vous privilégiez la TNT, bien sûr. Avec les offres triple play, la télévision est diffusée par Internet. La vidéo en ligne représente plus de 60% du trafic du web. Regardez une émission en streaming via une box ADSL émettrait autant de gaz à effet de serre que de fabriquer, transporter et lire un DVD. La TNT, télévision numérique terrestre, est moins gourmande, un gros bouquin encore moins, bien entendu. Le saviez-vous ? Orange investit dans l'éco-conception de ses box Internet, pour la planète, mais surtout pour réduire ses coûts, entre la Livebox 3 2013 et la Livebox 4 2016, l'opérateur a par exemple modifié l'emballage et ainsi optimisé les coûts de transport. 136 décodeurs par palette au lieu de 85. Il a aussi réduit leur temps de démontage, 40 minutes contre 1h40. Orange réfléchit aussi à une box modulable. Mais Orange dit, les impératifs commerciaux, par exemple, les prévisions de vente à l'approche d'une coupe du monde de foot ont parfois raison de la bonne volonté. C'est ce qu'admet Marc Vautier, responsable de l'éco-conception. Et puis, en fin de vie, pensez au recyclage. On jette pas n'importe comment. Moins de la moitié des appareils en panne sont réparés. ADEME 2007. Il faut vous dire que souvent, acheter un appareil neuf coûte à peine plus cher. Sinon, plus de valeur à vos yeux, recyclez-les. Faites jouer la garantie. Que vous achetiez un lave-linge ou un smartphone, une garantie légale de conformité s'applique automatiquement pendant 2 ans pour les produits neufs et 6 mois pour ceux d'occasion. Ça me fait penser qu'un certain revendeur de produits d'occasion sur le secteur n'applique pas ces 6 mois de garantie. Et donc, c'est quand même particulièrement navrant de voir ça. Tout défaut qui apparaît pendant ce délai, que ce soit 2 ans ou 6 mois, doit être considéré comme ayant existé avant la livraison. Et si le vendeur conteste, c'est à lui d'en apporter la preuve, et non pas le contraire. Parce que le vendeur, la plupart du temps, il dit « Ah, mais c'est vous qui avez fait mauvais usage du produit ». Eh bien non, c'est à lui de prouver que, effectivement, le produit était en état de marche. Le produit doit être remplacé ou remboursé. Alors, vendez votre vieux smartphone. La collecte de téléphones portables usagés est largement insuffisante face aux gisements disponibles. Actuellement, seuls 15% des appareils mis sur le marché sont collectés en fin de vie. Et 100 millions de téléphones dorment au fond de nos tiroirs. 100 millions de téléphones dorment au fond de nos tiroirs. Je crois que c'est bon d'insister sur ce chiffre, c'est fantastique. Nous sommes combien ? 66 millions de Français, quelque chose de pareil. Ça fait pas mal. Si vous avez un téléphone encore en bon état, vendez-le vous-même sur le bon coin, après avoir réinitialisé pour effacer toutes vos données personnelles ou sur des sites de reprise comme Love2 Recycle ou Back Market. Certains sites comme Volpi proposent aussi un échange. Vous pouvez également donner votre appareil à une association, Emmaüs Envie, qui participe activement à la collecte et au traitement des D3E. Que faire des 3E usagés, ces équipements électroniques électriques. Si votre équipement n'a plus de valeur à vos yeux, rapportez-le chez un vendeur. Tous les distributeurs disposent d'une surface de vente de plus de 400 m² dédiée aux EEE ou 3E, ont l'obligation de mettre à disposition des meubles de collecte, sans obligation d'achat d'un équipement neuf. C'est le principe du 1 pour 0. Pour votre frigo ou votre micro-ondes, le 1 pour 1 s'applique, reprise en échange d'un appareil neuf. Vous pouvez y déposer vos smartphones, mais aussi vos souris de PC, vos cafetières ou vos sèche-cheveux. Voilà, il faut quand même le savoir, parce qu'il y a quand même trop de choses qui atterrissent dans les déchetteries, sans être recyclées, qui atterrissent n'importe où, ou bien qui sont conservées dans des tiroirs, ou même qui partent plus ou moins dans des endroits illégaux, qu'on va dire. Voilà, eh bien voilà pour ce dossier donc qui concerne à la fois consommant durable pour les équipements électroniques, mais aussi comment réduire l'impact environnemental de ces équipements électroniques. En réfléchissant mieux à ses usages, en pensant au recyclage, en faisant des efforts donc pour consommer moins. Comme ça, la planète s'en portera mieux et nos porte-monnaies certainement aussi. Voilà, ben on va s'accorder une pause musicale avant de passer à un autre dossier consommateur. La mer sans arrêt roulait ses galets. Les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignait la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait, la même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit, l'un contre l'autre, ils ont dormi. La mer, longtemps, les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main et sans se défendre tombés dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre, et c'était comme si tout recommençait, la vie, l'espérance et la liberté, avec le merveilleux, le miraculeux voyage. Ben voilà, on a toujours plaisir à écouter Jean Ferrat, hein, ça date de quelques décennies, mais enfin c'est toujours d'actualité. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui fait bon sur une plage, surtout quand il fait chaud et qu'on peut aller se baigner. Et s'il y a l'amour en plus, c'est encore mieux. Voilà, alors on va parler de la tendance qui est forte actuellement. De plus en plus de consommateurs veulent se nourrir avec des produits vendus directement par leurs producteurs, sans intermédiaire. Alors il y a une enquête de Que Choisir sur les fruits et légumes à l'heure des circuits courts. Ce mercredi, c'était à la fin mars, en dépit d'un temps pluvieux et frisqué, les clients se pressent à l'ouverture d'au bout du champ. Un magasin de producteurs situé sur rue des Martyrs à Paris, 9e arrondissement. Oui, ça existe même à Paris centre. Julien Adam, son fondateur et ses employés finissent d'installer les cajots de carottes, choux et cressons récupérés le matin même chez les agriculteurs à Saint-Nom-la-Bretèche et Carrières-sur-Seine dans les Yvelines. Des partenariats semblables. Au bout du champ, qui a ouvert sa 6e boutique en janvier, en a passé par 28 agriculteurs depuis 2013. Tous localisés dans un rayon inférieur à 200 km. Car le circuit court, qui limite les intermédiaires entre producteurs et consommateurs, séduit un nombre croissant de consommateurs partout en France. Le relais fermier à la Mézière, près de Rennes, Ille-et-Vilaine, Loca Vorium à Saint-Jean-de-Véda, dans la périphérie de Montpellier, ou encore la ferme Lorraine à Metz, et oui, ça existe même en Lorraine, et Nancy, les initiatives SM sur tout le territoire en disent long sur le succès du cours. Puis on reparlera aussi, bien sûr, des AMAP. Hein, c'est le cas dans les Vosges, où une agriculture bio se développe, et bien souvent, en AMAP. Certes, la part du marché qu'il occupe pour aujourd'hui dans la commercialisation des produits alimentaires reste modeste, de l'ordre de 5 à 10%, grimpant à 13% dans le secteur bio. Mais même s'il demeure minoritaire par rapport aux circuits classiques, que sont la grande distribution et les commerces alimentaires spécialisés, ces nouveaux modes de commercialisation connaissent une progression relative et un engouement incontestable. Ce qu'on peut lire dans un avis du Conseil économique et social et environnemental, paru en mai 2016. Un engouement partagé en premier lieu par les agriculteurs eux-mêmes, de plus en plus nombreux, à couper le cordon avec les circuits de vente classiques. Il ne faut pas oublier quand même que les gros bénéfices sont surtout engrangés, par les circuits de distribution, hein, par les grandes surfaces, etc. Alors, de quoi parle-t-on ? Un circuit est dit court s'il comporte au plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, sans que la distance parcourue par le produit ne soit considérée. Attention donc à ne pas confondre circuit court avec local. Hein, le local, c'est encore mieux. Alors, côté producteur, les circuits longs tournent court. Depuis 2008, début de la crise économique, la tension va grandissant entre les producteurs et la grande distribution. Et il n'y a pas que le lait. Hein, on a vu beaucoup de reportages sur le lait, mais il n'y a pas que le lait. En 2017, le dernier rapport d'Observatoire de la formation des prix et des marges, organisme sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, constatait que la guerre des prix a entraîné une diminution globale des marges, devenue négative pour les producteurs. D'où leur volonté, les producteurs, de réduire les intermédiaires afin d'augmenter leurs marges, mais aussi de créer un lien avec le consommateur, lui-même en recherche de transparence et de relations directes avec la personne responsable de la qualité de ce qu'il consomme. En sachant bien sûr que les circuits courts ne sont pas tous bio, hein, loin s'en faut, on peut avoir de l'agriculture conventionnelle avec beaucoup de pesticides, de perturbateurs endocriniens ou autres. Rejoignant le bio ou le commerce équitable, le circuit court est devenu en quelques années le troisième pilier de la consommation responsable. Pascale Hebel, directrice du pôle consommation du CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, l'affirme. Depuis les années 2000, ce concept est poussé par deux facteurs. En premier lieu, la résurgence des peurs alimentaires depuis la vache folle, réactivée en 2013 par l'affaire des lasagnes de cheval. L'engouement a été renforcé par la crise économique. Le consommateur se tourne vers des circuits courts pour connaître l'origine des produits et défendre l'emploi dans l'agriculture française. Et puis, il y a des prix plus attractifs qu'un circuit classique, bien sûr. Et si l'archétype initial des consommateurs faisant appel à ces modes de distribution était plutôt urbain, aisé et s'inscrivant dans une démarche militante, il se désertifie peu à peu, c'est ce qu'on tarde le CES. Car le premier critère d'achat alimentaire reste bien entendu, bien sûr, le prix. Or, le circuit court se montre concurrentiel. Les enquêteurs de Que Choisir se sont rendus dans les magasins de producteurs, modèles de circuits courts les plus répandus avec la vente à la ferme. On en recense environ 350 sur tout le territoire. Et si l'achalandage et la disponibilité des produits y est moindre que chez les primeurs, l'enquête de Que Choisir sur un panier de 15 fruits et légumes de saison montre que c'est bien dans les magasins de producteurs que l'on trouve le meilleur prix. Et oui. Alors, que dire encore, si l'achalandage et la disponibilité des produits est moindre que chez les primeurs, bien sûr, parce qu'on n'a pas forcément des produits qui viennent de la planète entière, L'enquête de Que choisir sur un panier de 15 fruits et légumes de saison montre que c'est bien dans les magasins de producteurs que l'on trouve le meilleur prix. En bio, comme en conventionnel, le circuit court tire son épingle du jeu face aux primeurs et aux supermarchés. Mais si ce système s'avère aussi louable que rentable pour les consommateurs, il n'en affiche pas moins quelques limites. Certains secteurs alimentaires ont ainsi davantage de peine à passer au circuit court. Selon un rapport des services du ministère de l'Agriculture de 2012, si 46% des producteurs de légumes et 26% des producteurs de fruits français vendent tout ou partie de leur production en circuit court, les produits animaux, viande, lait, œufs, soumis à plus de contraintes en termes de transformation et de conservation, sont à la traîne. Or, j'ajouterais simplement que, bien sûr, les congélateurs permettent quand même de faire, par exemple, des colis de viande pour ceux qui effectivement, veulent manger sain et puis à proximité de chez eux. Les petites exploitations, parallèlement, le mouvement concerne davantage les petites exploitations que les gros producteurs, bien entendu, plus enclins au circuit long. Dans la même logique, parce qu'il faut bien écouler tous ces produits. Mais les produits courts et puis bio, en général, sont plus faciles à être délocalisés. Dans la même logique, le circuit court est moins fréquent dans les régions où beaucoup d'exploitants sont présents sur un produit et souvent regroupés dans des structures collectives, organisations de producteurs ou coopératives. Une organisation qui assure traditionnellement commercialisation en filière longue et souvent vers d'autres régions ou d'autres pays. Ainsi, dans le sud-est, région à vocation fruitière, la part des exploitants vendant des fruits en circuit court est plus faible que dans les régions moins productrices comme l'Île-de-France ou le Nord-Pas-de-Calais. C'est selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, bien entendu. Les circuits courts tiennent par conséquent leur spécificité du caractère limité en volume des produits qui y sont commercialisés. Mais la demande croît et une augmentation significative des quantités proposées pour chacun d'entre eux pourrait remettre en cause ce qui fait aujourd'hui la force de ces circuits courts. Quelle place ces nouveaux modes de commercialisation occuperont-ils une fois mieux structurés? Les gros mangeront-ils les petits? Pour l'heure, les initiatives qui fleurissent ont le mérite de sensibiliser les consommateurs à l'importance de son alimentation à un prix plus juste, un véritable prix. Voilà, alors, bien sûr, on peut parler de réduire les marges à géométrie variable, bien sûr, suivant la saison, suivant les produits, mais il y a une meilleure maîtrise, bien sûr, de son modèle économique sur les circuits courts. Alors, on va parler, dans le peu de temps qui nous reste, des différentes options. À côté des magasins de producteurs et de vente à la ferme, ils ne sont pas très nombreux dans les Vosges, forcément, parce qu'on a des petites exploitations qui restent des modèles dominants. D'autres systèmes de circuits courts voient le jour. Et c'est le cas dans les Vosges. Que choisir a fait son marché parmi les différentes initiatives. Alors, ces fameuses AMAP, On en a qui ne sont pas loin de chez nous, hein, en particulier les Choucas Gourmands, Thiéfos, qui est une des plus anciennes AMAP du secteur. Lancée en 2001, on compte aujourd'hui plus de 2000 associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ou AMAP. Elle regroupe environ 10 000 producteurs et 250 000 adhérents. Leur fonctionnement repose sur le principe d'un contrat de plusieurs mois entre les deux parties. Les agriculteurs fournissent aux adhérents des paniers prépayés d'un prix constant, mais dont la composition varie en fonction des productions du moment. L'implication est forte d'une part comme de l'autre. Les producteurs gèrent leurs produits du champ jusqu'à la distribution, tandis que les adhérents s'engagent dans la vie de la MAP, participation aux distributions et aide ponctuelle à la ferme. Les AMAPiens consomment des produits de saison et de proximité. Ils acceptent les conséquences éventuelles des aléas climatiques, hein, puisqu'ils ont payé d'avance leur panier, des aléas climatiques, bien sûr, subis par le producteur. Alors le niveau d'engagement par les consommateurs est total. La variété des produits peut être assez faible, hein, parce que forcément, dans les Vosges, on ne fait pas pousser n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, étant donné les rigueurs du climat. Mais il y a une forte proximité, le respect de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des fruits, des poires au printemps, des poires qui viendraient de l'autre bout de la terre, hein, et qui faut qu'ils soient forcément consommatrices, même si elles sont bio, qui sont consommatrices d'énergie pour être dirigées vers nos pays. La livraison à domicile, qu'il propose une offre généraliste, le comptoir local ou spécialisé, la viande pour au cadran, j'ai découvert au cadran, les produits de la mer pour poiscaille. Ces sites présentent l'avantage de la livraison à domicile. Mais alors, leur offre n'est pas forcément de proximité. Ils imposent généralement les frais de livraison importants, réductibles en souscrivant un abonnement ou en atteignant un montant d'achat minimal, 60 € pour le comptoir local. Ces entreprises qui gèrent la logistique prélèvent en contrepartie une marge à leurs producteurs, soit 17% sur au cadran, variable selon les produits pour le comptoir local, 40% pour les yaourts, 50% en moyenne pour poiscaille. Ce que cet article de Que choisir ne dit pas, c'est savoir exactement quelles sont les marges, par exemple, de la grande distribution sur les produits. Elles sont certainement encore bien supérieures. Enfin, si au cadran propose une livraison en 24 à 48 heures, comptez jusqu'à plus de 5 jours pour être livré selon les sites et les produits. Voilà, puis il y a les ruches, la ruche qui dit oui et qu'on sort. Créée en 2009, cette entreprise a pour concept la création de ruches pour toute personne volontaire en fédérant un groupe de consommateurs qui permet par le biais d'un site internet. On n'est plus sur les AMAP qui sont directement gérés sur le terrain. C'est par l'intermédiaire d'un site internet conçu et géré par la maison mère, passer des commandes qu'ils souhaitent à des producteurs, le plus souvent locaux. Mais pas toujours. Eh oui, ça peut être bien loin. Hein. De toute façon, si on achète des oranges, ce n'est pas des producteurs locaux. L'adhésion à la ruche, obligatoire et sans frais ni obligation de commande. Le fondateur d'une ruche est rémunéré pour le temps qu'il passe à sa gestion. 8,35% de commission. C'est quand même pas mal. De même que la maison mère, 8,35% également. Le producteur a cependant en charge la logistique et doit être présent à la distribution. On compte 558 ruches pour un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros, 131 en Belgique et 50 en Suisse. Voilà. Autre plateforme de distribution, quel bon goût. 3 sites à Paris se chargent de la logistique de la distribution en lieu et place du producteur qui dépose simplement sa production à des points de collecte près de sa ferme, à moins de 200 km de Paris, bien sûr. Alors, on s'aperçoit quand même à travers ce dossier que la région parisienne a été un petit peu pionnière, finalement. On pourrait s'en offusquer dans la distribution de fruits et légumes locaux, à moins de 200 km, mais c'est aussi parce que la région parisienne est riche quand même d'exploitants agricoles, hein, plus ou moins grands, et qui peuvent mettre directement à disposition, plutôt que les grandes surfaces, des produits directement de la ferme. Et puis, pour terminer, il y a les cueillettes. Vous permettre de cueillir vous-même vos fleurs, fruits et légumes de saison. Côté fraîcheur, ça existe. Hein, ça existe. Je ne sais pas si ça existe beaucoup dans les Vosges. Ça existe en Alsace. Et puis les drives fermiers. Le dispositif basé sur la vente en ligne appartient bienvenue à la ferme, etc. Voilà donc des différents procédés pour se passer, j'allais dire, consommer local et en circuit court. En sachant bien que ces structures privilégient bien sûr les circuits courts, mais pas toutes, parce que bon, bien sûr, le désir du consommateur de manger par exemple des tomates en plein hiver ne peut pas être satisfait par la France, hein, ou sinon véritablement avoir des serres chauffées et énergivores. Voilà, donc des produits viennent d'ailleurs, et donc ces produits qui viennent de bien loin, souvent hein, d'autres bouts de la terre, de l'hémisphère sud, ben, ça consomme beaucoup, beaucoup de fuel pour les acheminer la plupart du temps, parce que c'est des bateaux, c'est, etc. Et il paraîtrait qu'un gros cargo, non peut-être pas un gros cargo, mais un paquebot consomme à peu près autant de fuel qu'un million, et, enfin rejette à l'atmosphère autant de particules fines qu'un million de véhicules, de petits véhicules, voilà. Voilà, voilà, bon, pour ceux de ces consommateurs, hein, je pense que ça permet quand même, parce qu'on est en plein été, ça permet aussi d'avoir un peu de temps pour s'informer, d'aller sur les marchés locaux aussi, hein, si on est en vacances, pour acheter des fruits et des légumes sains, qui n'ont pas forcément, qui ont forcément une bonne saveur, hein, parce que quand même, quand on va dans les supermarchés, ben, souvent les fruits sont vraiment... Permettez-moi l'expression, dégueulasse. Hein, pas mûr, très dur, etc. À peine mangeable. Voilà, ben j'espère quand même que vous aurez profité de ce dossier. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.